Et les météores, eux, sont très rapides et parfois très fugaces. Allez, bonnes observations, bon ciel et meilleurs vœux. A très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Restez bien donc les yeux au ciel et les pieds sur terre, enfin le dos sur terre.